Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast des Nerds Cinéphiles, Movies Nerds. Pour rappel, c'est une émission mensuelle où nous nous retrouvons entre passionnés de cinéma pour vous parler et nous donner nos avis sur différents films que l'on a pu voir durant le mois passé. Vous écoutez en ce moment l'épisode numéro 19 qui est enregistré le 4 octobre 2015. Je suis Axel, votre hôte, enfin je suis un des hôtes durant ce podcast, mais j'ai avec moi mon comparse de toujours, celui qui ne m'a pas abandonné, Morgan. Salut. Salut. Ça va ? Ça peut aller, ça peut aller. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est plus parlé puisqu'on n'a pas fait de parler au cinéma. Donc le terme mensuel était plus approprié du coup. Voilà, c'est ça. Le mois dernier, on a rien fait, donc voilà. Ouais. Ça y est, on commence à lâcher l'affaire. on revient. Normalement, je devrais avoir internet chez moi dans le mois prochain, donc ça devrait aller. Et puis on a pas mal de choses, on va discuter de pas mal de choses durant ce podcast. On a un programme assez chargé, même si on est que deux, on va réussir à avoir une petite discussion de 1h30 à peu près. Donc on va commencer avec le sommaire de l'émission. On commencera avec un vidéo club Movies Nerd sur le film Survivre. Ensuite, on a s'est approprié une avalanche de coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Et ensuite, le film du mois, ce sera bien sûr Everest. C'est pour ça que je dis que c'était approprié. C'était très drôle. Et ensuite, on aura la recommandation pas très recommandable qu'Eddie avait proposé il y a très très longtemps. Là, c'était en juin, juillet, je sais plus. Sortilège. Et donc, du coup, on l'a vu, Morgan et moi-même. Et on vous en parlera, et Morgan aussi, on proposera un film pour l'équipe à voir pour le mois prochain. Ça fait un bon petit programme, je pense qu'on est on est parti. Voilà, allez, c'est parti pour le Vidéoclub Movies Nerd. On est à la rubrique du Vidéoclub Movies Nerd, donc je vais parler du film Survivre. Par contre, Morgan n'a pas eu le temps de le voir malheureusement, donc je serai tout seul à vous parler de ce film, qui est un film islandais sorti le 24 avril 2013 en France. Donc là, je m'excuse par avance pour les prononciations, je ne suis pas très fort en islandais, ni en finlandais, ni en... Enfin, vous connaissez ma super prononciation des noms. Donc le réalisateur, c'est Baltasar Kormákur, et l'acteur principal, parce que... tu te marres déjà. Le titre original, c'est Jupio. Donc c'est Oedipe en anglais et Survivre en français. L'acteur principal, parce qu'en fait les autres acteurs, ils sont, enfin il y a vraiment qu'un seul acteur principal pendant tout le film, les autres acteurs sont vraiment en second plan. Donc là, c'est Olafur Dari Olafsson qui reprend le rôle de Gulli ou Julie ou comme vous voulez. Donc ça raconte la mésaventure d'un marin islandais, Julie donc, qui est né en 61, qui a réussi, suite au naufrage de son bateau de pêche le 11 mars 1984, à regagner le port d'attache du navire après avoir nagé sur 6 km pendant 6 heures dans une eau à 5 degrés. Et puis après, il a dû encore marcher 2 km sur un champ de lave avant d'arriver à rejoindre le port. Voilà, donc c'est basé sur une histoire vraie. Le réalisateur, c'est celui que on en parlera après, puisqu'il a réalisé Everest, le film du mois. Il a l'air d'aimer les films issus des histoires vraies, hein. Oui, et les films catastrophes aussi. Parce que à chaque fois, c'est vraiment très très ouais, très réaliste. Donc la réalisation est assez froide en fait, comme les paysages islandais. Il y a pas vraiment de véritables émotions qui transparaissent à travers la caméra. C'est bien réalisé, mais c'est assez académique en fait. Par contre, pour moi, il y a un gros plus au niveau du tournage, qui a dû être un enfer. Tout comme la traversée de la mer par le personnage principal, l'enfer a dû être Pareil pour les acteurs et pour les équipes techniques qui ont sûrement dû tourner beaucoup de scènes en décor naturel. Du coup, le rendu fait très réaliste et l'immersion est totale. On s'y croirait même sur un petit écran. On a véritablement l'impression de ressentir la froideur de l'eau et la perte de repères totale. Donc pour moi, ça c'est un vrai plus du film. C'est un des gros points forts du film parce que tout n'est pas aussi bien que la réalisation et l'immersion. L'acteur principal donc interprète plutôt bien son rôle. Il n'y a pas non plus de grandes envolées émotionnelles, mais mine de rien, on s'attache à ce personnage et cela en grande partie grâce à l'acteur. Après, les autres acteurs, on les voit pas vraiment. Comme j'ai dit, ils sont vraiment en second plan, donc c'est difficile de juger s'ils sont bons ou mauvais. Mais en tout cas, l'acteur principal, on s'y attache vraiment. Le scénario étant basé sur une histoire vraie, on peut pas non plus se permettre ils peuvent pas se permettre de tordre vraiment la réalité, ce qui rend le scénario assez prévisible et parfois, admettons-le, un peu chiant parce que, enfin, moi je me suis emmerdé pendant bien 10 minutes au milieu du film parce qu'il se passe pas grand-chose. Mais pour moi, ce qui fait la force du film et ce qui sauve le film, c'est les 30 dernières minutes. Parce qu'elle permet d'apporter quelque chose de plus que juste l'histoire d'un rescapé d'un terrible accident en mer. En proposant de voir comment cet homme va, après son exploit, subir de nombreuses expériences scientifiques pour trouver une explication logique à ce qui lui a permis de survivre. Et je trouve justement que ces 30 dernières minutes sauvent un film moyen qui en devient un film pas si mal que ça finalement. Et pour finir, je parlerai rapidement de la musique parce que enfin la musique plutôt de l'absence de musique parce que la plupart du temps durant le film ça rend vrai y a pas de musique du tout et du coup ça rend très oppressant l'ambiance, ce qui est bien sûr le but recherché, mais un peu plus de musique aurait quand même été le bienvenu. Voilà, donc moi j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est pas un film extraordinaire, mais voilà, si bon, je vais pas vous dire si vous voulez passer un bon moment, parce que c'est pas vraiment un bon moment à passer non plus. On est vraiment avec le personnage dans l'eau froide, on a l'impression de survivre avec lui. Mais voilà, c'est un film expérience, comme il en a fait comme il a fait pour Everest, dont on vous parlera après. C'est un truc à vivre et c'est pas vraiment un film à scénario, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas si ça te tente, Morgane, après ce que je t'ai raconté. Je sais que ça risque pas de tenter de beaucoup de Disons, personnes, mais. comment dire? Disons que depuis que j'ai vu Everest, ça peut me tenter. Parce que Everest, on en parlera après, c'est un film qui possède un récit extrêmement lent et tout, et la lenteur d'Everest joue en sa faveur. Maintenant, Everest a l'air plus impressionnant au niveau de son propos, que là, ça m'a l'air un peu plus lisse. Puis, effectivement, le cinéma islandais, bon, je le connais pas vraiment, je sais pas ce que ça donne en matière de rythme et tout, même en matière de jeu d'acteur, vu que, bon, Non, mais l'acteur est très préféré. bon, hein. En plus, si vous avez vu La vie rêvée de Walter Mitty, qui se passe en Islande, ben, l'acteur principal, c'est le pilote d'hélicoptère qui est bourré tout le temps. Voilà. Donc, J'ai pas si. aimé Walter Ah, d'accord. Mais moi, j'aimais Mitty. bien. Enfin, je trouvais que les deux rapports par rapport à l'Islande rêvée, un peu de carte postale de Walter Mitty, et l'Islande un peu plus réelle, un peu plus froide de ce film, ça dénote bien, je trouve. Mais voilà. En matière d'ambiance, pourquoi pas? Mais après, est-ce que le récit est palpitant? Enfin, voilà, est-ce que ça tient? Ça dure combien de temps? 1 h 30, c'est ça? C'est ça, donc c'est pas vraiment super long. Ce qui est bien, c'est vraiment les 30 dernières minutes où on part un peu plus dans. Ouais, c'est un peu plus intéressant déjà. À voir, pourquoi pas. Bon, là, comme ça, c'est vrai que je suis pas. Ouais, c'est sûr que Voilà. c'est pas. Par rapport à Everest, oui. Par rapport à Everest, oui, je pourrais éventuellement être intéressé, mais le propos d'Everest m'intéresse plus. Ok, d'accord. Vraiment. Bon ben bah voilà, je vous ai à peu près tout dit. Ben, si ça vous tente, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film et si vous l'avez déjà vu aussi, n'hésitez pas. On est déjà à la rubrique coup de cœur, coup de gueule et découverte. Là, on a beaucoup de films dont on veut vous parler, donc on va rentrer directement dans le programme avec justement, c'était pas intentionnel en plus, avec le film de Bravo. Morgan qui est The Program. Donc je te laisse le On peut dire présenter. que tu n'as pas pédalé dans la school. Voilà, ça recommence bien. Hein, c'est vous êtes habitué à nos blagues un peu merdiques. Donc vas-y, je te laisse la parole. Alors, The Programme, donc c'est un film qui personnellement me tentait assez parce que il Ouais, a moi aussi. une histoire que je ne connais pas vraiment, ou du moins pas vraiment tout en détail. Je connais vraiment les grosses lignes. Alors pour rappel des faits, c'est un film de Stephen Frears qui a réalisé l'année dernière chiantissime Philomena avec pas Hélène Mirren, mais comment ça s'appelle? Ah, je ne sais plus son nom. Comment elle s'appelle? L'actrice qui joue dans qui joue M dans James Bond là. Alors là, Judi Dench, voilà. je suis désolé, je pouvais pas Judi t'aider Dench, c'est bon, je l'ai. C'est Judi là. Dench. Donc ça raconte l'histoire, enfin le parcours plutôt du cycliste à succès de renommée mondiale Lance Armstrong, de ses débuts dans le cyclisme jusqu'à la fin de sa carrière. En passant par des grandes phases importantes de sa vie. Dans un premier temps, sa lutte contre son cancer, ouais, son cancer, et ensuite le scandale de la révélation de son dopage, qui a commencé depuis le début de sa carrière, du coup, enfin, jusqu'à temps que ce scandale soit médiatisé. Donc, on est vraiment dans un biopic pur. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et c'est en ça que le film m'intéressait, c'est que le film dure 1h40. Ouais, donc Et à l'heure d'aujourd'hui où vraiment tous pas les long pour un biopics, biopic, ouais. c'est pas long du tout, c'est un film qui va vraiment au fait, qui raconte vraiment l'essentiel, mais avec énormément de recul et sans jamais tomber dans l'iconisation de son personnage, parce qu'en général, les biopics ont souvent tendance à iconiser même des personnages détestables. Dans Clo-Clo, par exemple, qui est un film que j'aime beaucoup, qui n'a rien à voir, mais disons qu'il y a quand même une héroïsation de ce héros-là. En même temps, c'est quand même rare les biopics comment dire, on dévalorise un personnage. Et comme j'ai dit, à l'heure où les biopics ont tendance à encenser leurs personnages ou soit les dévaloriser, là, je trouve que c'est un film qui, pour une fois, trouve le ton juste, à savoir qu'on nous expose vraiment avec certitude tout ce qu'il y a à savoir sur ce personnage, mais à aucun moment le film le juge. Et à aucun moment le film l'encense. C'est vraiment à nous, spectateurs, de nous faire un jugement sur lui. Du coup, je trouve que l'acteur peut largement prétendre à des récompenses. Et vraiment, et ce qui m'a vraiment plu dans son jeu, c'est que on n'est pas du tout dans l'imitation, même si personne qui avait comment dire, des spécificités physiques ni caractérales, parce que moi je le connaissais vraiment qu'à travers des photos ou des reportages à la télé, enfin dans les journaux télévisés. Et je trouve vraiment qu'il incarne vraiment bien, même physiquement, il est vraiment touchant. Il est touchant et détestable à la fois, mais en même temps, la capacité du réalisateur, c'est d'avoir insufflé à son personnage une humanité qui était vraiment inattendue. Parce que honnêtement, je m'attendais vraiment à avoir un film hyper didactique sur le cyclisme, etc. Et moi, qui suis pas du tout féru de ce sport-là, j'avais un peu peur de rester un peu à côté. Mais c'est un film qui arrive à parler à tous les néophytes, même au niveau des noms. À chaque fois qu'un personnage nous est, nous, à chaque fois qu'un nouveau personnage nous est présenté, il y a son nom qui apparaît en gros plan. Bon, Ouais. c'est peut-être pas subtil, mais au moins ça permet Ouais, vraiment à ce qu'on reste dans le récit. on s'y retrouve, quoi. On s'y retrouve beaucoup. Et donc je parlais de Ben Foster, mais il y a aussi le reste du casting. Et je mentionnerai aussi Guillaume Canet. Guillaume Canet, alors c'est vraiment dans le genre de film dans lequel on l'attend pas du tout, Ouais. qui joue le rôle de qui joue le rôle du médecin Michele Ferrari, donc qui D'accord. était on va dire l'entraîneur, le médecin de Lance Armstrong, qui en gros l'a un peu fait plonger dans ce programme, justement, vu que voilà, le titre du film s'appelle The Programme, et The Programme, faut un peu expliquer ce que c'est. C'est vraiment le programme dopage, enfin, le programme d'entraînement qui, moyennait quelques dopages, on va dire, discrets aux yeux des médias. Ouais. Donc, Guillaume Canet l'incarne vraiment bien. Alors, moi, je l'ai vu en VF, donc c'est lui qui joue Ben lui-même, oui, donc ouais. on passe pas à côté de l'accent italien un Un peu peu, exagéré. Mais honnêtement, je trouve qu'il est vraiment très bon, il est très charismatique. Et vraiment tout le reste du casting est très bon, mais Ben Foster, c'est quand même celui qui porte le film. Et en matière de récit, c'est extrêmement fluide, il n'y a pas un moment d'ennui. La mise en scène est vraiment belle, il y a les scènes de cyclisme sont vachement bien foutues. Comme j'ai dit, voilà, c'est sans jugement, il y a pas c'est c'est un petit biopic en fait. C'est vraiment pas un gros film, c'est pas une grosse machine, mais c'est un film qui raconte vraiment l'essentiel, qui le fait vraiment bien. Avec beaucoup d'émotions. Il y a une scène où il rend visite, où il où il se pointe à l'hôpital en rendant visite à des enfants malades. La scène, vraiment, elle est très intimiste, mais vraiment, elle porte à la gorge tellement il y a une émotion derrière. Et ça, on le doit vraiment à ce réalisateur-là, qui vraiment a tendance à insuffler dans ses films un côté un peu sirupeux. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Autant dans Philomena, c'était insupportable, mais là, je trouve que ça sert vraiment le film et ça apporte à ce personnage vraiment une humanité à laquelle je m'attendais vraiment pas en allant le voir. Je m'attendais vraiment à voir le portrait d'un connard et d'un arnaqueur, d'un escroc, etc. Mais au final, tout est expliqué, mais c'est jamais justifié en fait. Enfin, c'est expliqué, mais à aucun moment le réalisateur nous dit, bon bah écoutez, moi je l'aime bien, vous allez l'aimer. On peut sortir de là en se disant quel escroc quand même, mais enfin voilà. Et je trouve que à ce niveau-là, le film est parfaitement réussi et aurait mérité, je trouve, un peu plus de bruit. Je trouve qu'il est un peu sorti dans la discrétion, c'est un peu dommage. Ok, d'accord. Ben oui, ça me tente bien, mais moi, j'ai pas eu le temps. Enfin, ce mois-ci, j'ai vraiment pas eu le temps de voir des films déjà, et en plus d'aller au cinéma, j'ai pu voir que deux films au cinéma. Ouais, moi, il me tente vraiment bien, vraiment, et j'essaierai de le voir avant la fin de l'année. Bon, je pense pas qu'il aille dans mon top 10, mais. Non, non, non, non, moi non plus, mais c'est un film qui, sur le coup, honnêtement, il y a vraiment des bonnes choses. Donc c'est un film qui fait son petit chemin qui a fait son petit chemin dans ma tête. Ok. Puis comme je dis, Ben Foster, honnêtement, c'est vraiment une révélation, parce que je le connaissais vraiment pas, et l'exercice du biopic, c'est pas non plus le plus simple. Et vraiment, il porte vraiment le film. Il y arrive, ok. Ben moi, ce sera. Là, ça va être vraiment très très rapide. C'est un rapide conseil. Donc, parfois, comme j'ai pas la télé dans mon appartement, et que quand je rentre chez mes parents, je regarde ce qui s'est passé sur le replay d'Arte. Et du coup, je suis tombé sur un documentaire qui m'a énormément intéressé. Donc, je voulais vous en parler. Parce que, voilà, on parle. Enfin, je crois qu'on a rarement parlé de documentaire dans cette émission. Donc, ça tombe bien, je trouve. Et en plus, c'est en rapport avec le prochain film dont je vais vous parler. Donc, c'est Black Power Mixtape, qui est sorti le 16 novembre 2011. Il dure 1h33. C'est un film suédois. Donc, là, ça va être encore les noms, hein, je suis désolé. Goran, réalisé Décidément, par t'as pas de chance, toi, c'est pas Goran possible. Hugo Olsson. Mais en même temps, je me l'inflige. Enfin, c'est. Oui, voilà, c'est Voilà. ça. Mais donc, c'est réalisé par Goran Hugo Olsson, qui est un réalisateur suédois, pardon, je perds mes mots. Et le synopsis, donc, c'est un documentaire qui retrace l'évolution du mouvement Black Power de 1967 à 1975 au sein de la communauté noire, enfin afro-américaine. Le film associe musique et reportage, en fait, c'est des rushs en 16 mm qui sont restés au fond d'un placard de la télévision suédoise pendant plus de 30 ans. Ainsi que des interviews de différents artistes, activistes ou musiciens qui sont des piliers de la culture afro-américaine. Donc, j'ai pas énormément de choses à dire, c'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai appris énormément de choses. Ça offre un point de vue vraiment différent sur le mouvement Black Power aux États-Unis, parce que on présente les leaders et les idéaux, ainsi que le contexte pour la population afro-américaine à cette époque. J'ai envie de dire que ça n'a pas vraiment énormément changé non plus, mais bon. Tout ça sur un fond de musique parfaitement dans le thème et l'ambiance du film. Ouais, ça va vous apprendre des milliers de choses, mais ça va aussi vous révolter. Je vous le conseille énormément, et puis ben voilà, c'est vraiment un rapide conseil, mais j'en ai pas trop dit parce que s'il n'y a pas énormément de choses à dire. Si vous avez le temps, et si vous voulez vous informer un peu plus sur ce mouvement, n'hésitez pas à regarder ce documentaire qui est un des meilleurs sur ce sujet. Voilà. Je laisse la parole maintenant à Morgane pour son prochain film, pour son prochain coup de cœur. Alors, mini coup de cœur, on va dire. C'est pas un gros coup de cœur, c'est un film qui m'a beaucoup plu parce que bah, là aussi, c'est un tout petit film qui est pas 15e des réalisateurs à Cannes ou à la Semaine de la Critique, je ne sais plus. Cette année, c'est un film réalisé par Mathieu Va-de-Pied qui est le scénariste de Jacques Audiard. Il a travaillé avec lui, entre autres, sur Un prophète. Donc c'est un film qui s'appelle La vie en grand. Donc c'est un film français, hein, vous l'aurez compris. Un film qui m'a beaucoup plu parce que c'est un peu ce que j'aime voir de temps en temps au cinéma, c'est-à-dire que c'est un petit conte, c'est une chronique sociale racontée à la manière d'un d'un petit conte à la Oliver Twist. Donc c'est l'histoire d'Adama qui est un adolescent de 14 ans. Donc je vais vous lire le synopsis, ça ira plus vite. Il vit avec sa mère dans un petit deux pièces en banlieue parisienne. Il est en échec scolaire, même si c'est un élève prometteur. Avec Mamadou, plus jeune que lui, ils vont inverser le cours de leur vie. C'est vraiment naze parce qu'il ne présente pas du tout. Voilà, il raconte pas du tout. Ouais, Donc bon, désolé c'est un les peu. synopsis, hein, c'est toujours comme ça. Ah ouais, non, mais celui-là, il est un peu scandaleux. Parce que ce que le film ne dit pas, c'est que ces deux jeunes ados, ces deux jeunes ados, pré-ados, vont tomber dans le trafic de drogue. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas le trafic de drogue façon 90 minutes enquête, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment, on a trouvé la drogue par terre, ah bah tiens, ça nous fait de l'argent. Et comme on a des projets, on a envie d'aller vivre ailleurs, on a envie d'acheter une machine à laver pour ma mère, on a envie d'acheter une grande voiture. Tu vois un peu le, enfin voilà, c'est pas du tout le côté Oui, gangsta et ouais. compagnie. Voilà, c'est pas pour. Et c'est un film justement qui parle de quelque chose de vrai d'ailleurs, puisque dans les banlieues, il se peut que dès le plus jeune âge, on tombe dans ces travers-là. Mais c'est un film qui est dans ce propos, c'est assez naïf en fait dans la manière dont c'est raconté, mais sa naïveté vraiment joue en sa faveur parce que du coup ça rend ces deux personnages absolument attachants. Les deux acteurs d'ailleurs qui sont totalement inconnus au bataillon sont vraiment très très bons, ils sont très drôles, il y a vraiment des scènes de joute verbale vraiment vraiment bien écrites et très attendrissantes. Au niveau du casting, on retrouve un casting un peu comment dire, similaire à ceux qu'on voit dans les films d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Voilà, vous verrez d'ailleurs, il y a vraiment des têtes connues, notamment des acteurs qu'on voit dans Nos Jours Heureux. C'est vraiment un mini coup de cœur. Donc je l'ai vu il y a deux semaines et demie, donc je l'ai pas oublié, mais disons que c'est un film qui sur le coup m'avait procuré beaucoup d'émotions. Je l'avais trouvé extrêmement bien raconté, très subtil. Ça prend évidemment pas de risque en matière de mise en scène, ça dénonce pas, c'est vraiment une petite fable extrêmement bien écrite, extrêmement savoureuse, avec des scènes vraiment, des scènes vraiment réussies, qui posent énormément de questions aussi. Mais c'est pas un film social, c'est pas le gros film social à la Dipane, tu vois. C'est pas un film qui va dénoncer, c'est pas un film qui va parler de la banlieue vraiment avec en faisant une étude de ses sociologies, ethniques. Non, non, c'est vraiment un film qui parle de. C'est un petit conte de fées, voilà. Faut vraiment le prendre comme tel, et je trouve que quand on le prend comme tel, c'est vraiment divertissant et c'est très bien joué, c'est bien réalisé. Je crois que c'est une première réalisation et faut souligner parce que bien souvent les scénaristes qui passent à la réalisation, c'est Ouais, des fois pas c'est forcément, ouais. voilà, des fois ça pêche un peu. Là honnêtement, au niveau du ré enfin, au niveau de la réalisation, il y a un petit potentiel, c'est vraiment pas mal. Ok. Et tu peux passer directement à ton autre coup de cœur. Encore un mini coup de cœur. Voilà. Donc, comme j'ai dit, ce mois-là, c'est un petit mois. Donc je vais parler vraiment de petits films à conseiller. Voilà, bon, ça va être très rapide. C'est un film que j'ai vu il y a une semaine. Qui s'appelle Boomerang. Alors j'ai oublié le nom de réalisateur ou de la réalisatrice, je suis désolé. Je vais te chercher Donc c'est ça un pendant film que tu avec, parles. donc c'est un film avec Mélanie Laurent, Laurent Lafitte et Audrey Dana, que j'ai énormément aimé. Donc c'est un film Réalisé par dramatique. François Favreau, voilà. Alors je connaissais pas du tout. C'est peut-être Moi, sa moi première non réalisation plus. à lui aussi. C'est peut-être une thématique, le mois des premières réalisations. Donc c'est l'histoire d'Antoine et d'Agathe, donc respectivement joués par Laurent Lafitte et Mélanie Laurent, qui sont frères et sœurs, pas dans la vraie vie, hein, vous l'aurez compris, qui vont revenir sur les pas de leur enfance sur l'île de Noirmoutier, là où 20 ans avant, leur mère avait trouvé la mort dans des conditions un peu mystérieuses. Et Laurent Lafitte va réouvrir l'enquête. Pas d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue personnel, étant donné qu'il pense que la mort de sa mère cache énormément de secrets. Et donc voilà, c'est les secrets d'avant qui refont surface 20 ans après, tel un boomerang. Voilà, très beau titre. Donc c'est un très très très joli film, très émouvant. C'est un film, voilà, qui porte une émotion à laquelle je m'attendais pas forcément, ou du moins je m'attendais pas à ce qu'elle marche autant. Enfin, c'est un film qui s'appelle Boomerang, voilà, quand on voit l'affiche, ça peut faire un peu mielleux. C'est un film qui est très surprenant dans son scénario, alors il est surprenant dans son scénario, mais en même temps c'est vrai qu'il est sans surprise. Voilà, donc je me fais un peu l'avocat du diable, c'est surprenant mais c'est sans surprise. C'est-à-dire que C'est sans surprise dans la mesure où quand on est devant le film, on voit à peu près là où le film nous emmène, mais avant de voir le film, on est incapable de voir, incapable de cerner les thématiques que le film, D'accord. enfin, les thématiques dont le film va parler. Donc c'est un film qui est très très bien joué. Les acteurs sont excellents. Mais vraiment, je le mentionne, Mélanie Laurent, elle peut être très tête à claque, je le reconnais. Même si c'est une actrice que j'adore, mais peut-être que l'avantage, c'est qu'elle est un petit peu effacée dans le film. Et Ouais. elle est vraiment aidée par Laurent Lafitte et Audrey Dana, qui sont vraiment excellents. Enfin, vraiment, je trouve que le film marche vraiment grâce à ce trio-là, en fait. C'est très bien écrit, alors, c'est un peu lent, mais la lenteur, encore une fois, je vais faire un lien par rapport à Everest, un peu le mois des films lents, mais c'est une lenteur Qui est qui nécessaire, sert ouais. vraiment au récit parce que ça. Qui est vraiment nécessaire parce que ça permet vraiment de développer tout ça parce que je trouve que les histoires de secrets machin comme on peut le voir dans les séries ou au cinéma des fois ça a tendance un peu à arriver voilà comme à arriver sur table et à jamais trouver de justification que là voilà c'est un film qui use de flashbacks, c'est un film qui est extrêmement bien en termes de photos. La photo est magnifique. Voilà, j'ai pas grand-chose à en dire. C'est un très joli film. Je préfère pas trop en parler, ni dire les thématiques du film parce que sinon ça risque vraiment de spoiler. Mais c'est un film assez épatant et un film très joli que je vous conseille Ok, fortement. d'accord. Bon, bah, ça donne envie. Moi, ça me. Enfin, je l'avais vu, j'avais vu passer la bande-annonce, etc. Ça m'avait un petit peu intrigué, mais là, ça me donne assez envie. Ouais, Ouais. c'est intriguant. Alors, la bande-annonce, je sais pas ce qu'elle vaut. Je sais pas ce qu'elle vaut. J'aurais peut-être dû la revoir. Mais en tout cas, ne vous renseignez pas trop parce que De ça risque spoiler, de vous faire perdre un peu d'intérêt. Le but, c'est vraiment. Enfin, ouais. Le mieux, c'est d'y aller ouais. vraiment à l'aveugle, comme ça a été le cas pour moi. Et ça a fait son effet sur moi. D'accord. Ah oui, j'ai oublié de préciser que la BO était magnifique aussi. Ok, d'accord. Tout lui réussit à ce film. Du coup, moi je vais vous parler encore d'un dernier coup de cœur. Donc c'est Straight Outta Compton. Donc c'est le film. Désolé. Pardon. Pourquoi? C'est parce que j'ai fait Pardon. l'accent. Parce que Quentin m'avait dit que. Oui, c'est l'accent. Quentin il disait que je faisais pas assez l'accent. Donc cette fois là j'incite vraiment. Comme ça. il m'embête plus là-dessus. On Oui, l'embrasse, on Quentin, passe. d'ailleurs. On Bon l'embrasse, Quentin. établissement. C'est de bon courage. Donc, comme je l'ai dit pour Love and Mercy, j'adore vraiment les biopics musicaux. Donc, j'essaye d'aller tous les voir, même sur des artistes qui me plaisent pas, qui m'intéressent pas beaucoup à la base. Mais cette année, avec Love and Mercy et Straight Outta Compton, j'ai eu beaucoup de chance car ils mettent en scène de groupes musicaux que j'adore. Donc, j'ai sauté sur l'occasion d'aller voir ce film biopic sur la création et l'émergence de NWA aux États-Unis. Donc c'est réalisé par F. Gary Grant, c'est sorti en France le 16 septembre 2015, ça dure un peu, oui c'est 2h27. Au niveau des acteurs, c'est la force du film en fait, c'est d'avoir pris des acteurs qui sont pas très connus du grand public pour interpréter des rôles que beaucoup de monde connaît, ce qui permet de rentrer à 100% dans le film et de croire à l'histoire qui se déroule devant nos yeux. Donc les acteurs, en fait le seul un peu à peu près connu c'est Hoshi Jackson qui est le fils de Ice Cube et qui joue le rôle de son père. Ensuite il y a Corey Hawkins qui joue le rôle de Dr. Dre et Jason Mitchell qui joue le rôle de Eazy-E. Ensuite Aldis Hodge, M. Siren, enfin c'est des gens qui sont pas super connus, c'est justement la force du film. La réalisation n'est pas transcendante, mais elle fait son boulot. Enfin, il fait son boulot, le réalisateur, il le fait bien. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est pas, voilà, il n'y a pas de grands plans qu'on retient, mais ça fonctionne. Et on s'ennuie pas devant le film déjà. Le scénario, je l'ai trouvé passionnant, inspirant et révoltant. Passionnant, car la vie de ces 5 gars qui n'avaient pas grand-chose pour réussir dans leur milieu et qui ont quand même réussi grâce à leur talent, c'est inspirant. Inspirant car ça donne des images aux mots utilisés dans les chansons et albums et rend leur musique encore plus parlante. Et aussi révoltant, car on voit la manière dont les forces de l'autorité avaient d'utiliser leur pouvoir à mauvais escient. Et quand ça les arrangeait bien, la façon aussi dont ils traitaient les minorités, surtout des quartiers pauvres aux États-Unis, et tout ça nous ramène au présent, et on se dit que ça n'a pas vraiment, malheureusement, beaucoup changé. Donc bien sûr, le film est révoltant, mais malheureusement, un film, ça a pas changé le monde. C'est un peu aux gens de le faire et c'est un peu le message du film. Donc c'est ça qui est vraiment bien. Mais à part ça, l'histoire en elle-même évoque une tonne de choses comme l'amitié, la maladie et la création musicale qui sont de grands aspects du film. Du coup, même si on n'aime pas vraiment la musique, le rap, etc., vous trouverez le film intéressant. Ils mettent pas en avant tous les beaux côtés des deux côtés en fait, les forces de l'ordre et le groupe NWA. Ils montrent les choses qu'ils ont faites durant ces années de manière brute et crue, sans pudeur. Et c'est bien qu'ils n'aient pas caché cela parce que ça rend le film d'une grande honnêteté et sincérité. Et justement, comme pour The Program, on se fait. Enfin, c'est à nous de choisir. Ils mettent pas en avant que ce qui est beau, ce qu'ils ont fait d'excellent. Ils montrent aussi les saloperies qu'ils ont fait. Et c'est tout à leur honneur. Bien sûr, si c'est quand même un petit plus d'aimer la musique dans ce film, parce que c'est en plus elle est vraiment sympa dans le film. Pardon. Problème. Je déteste le rap, donc c'est un film. Voilà, t'en parles très bien et t'es pas la première personne qui en parle vraiment bien et qui. Mais le problème, c'est que je déteste le rap et tout ce milieu dans le rap. Le truc, c'est que c'est comme pour tous les genres musicaux en fait. Il y a du bon rap et du mauvais rap. En fait, ce qui me plaît dans leur rap à eux, c'est déjà que c'est très social, etc. Mais en plus, que la construction de leurs phrases, les rimes et tout ça, ça me passionne. Et la façon dont ils le font dans leurs chansons, moi, c'est ça qui me passionne le plus. Donc, c'est sûr que c'est un peu un aspect assez geek du rap. C'est quelque chose que tout le monde ne pense pas vraiment, à la construction des phrases, etc. Mais c'est un truc qui me plaît énormément. Et du coup, c'est pour ça que j'adore ce groupe. Mais c'est pour ça que je déteste aussi d'autres personnes qui font du rap et qui donnent des messages complètement cons et qui pensent pas à la construction de leurs phrases, qui pensent que aux frics qu'ils vont recevoir. Au début, NWA, c'était pas pour ça, c'était pas pour faire du... Enfin, si, pour gagner un peu leur vie, comme t'as dit avant pour l'autre film dont j'ai oublié le nom. C'était quoi, Grandir La vie en grand, pardon. Voilà, vie en grand. La vie en grand. Donc ils essayent de gagner leur vie pour aider leur famille, etc. C'est pas vraiment comme... Moi, je prends un exemple complètement sorti du contexte, mais genre Booba ou des trucs comme ça. C'est... voilà. Donc... ce film m'a beaucoup plu et je le conseille énormément, même à ceux qui aiment pas le rap. Après, comme je suis néophyte, ça m'intéresse aussi. Oui, de parce voir que t'apprends pas mal de choses. Voir. Mais maintenant, je vous pose une question. C'était pas aussi l'époque de Snoop Dogg, justement. Oui. Est-ce qu'ils en parlent? On voit dans le film, Snoop Dogg, on voit d'accord. Tupac aussi pour ceux qui connaissent. Voilà, donc c'est. C'est l'époque des années 90, donc l'émergence en fait, l'innocence un peu, les débuts un peu, pas toujours très justes, mais qui savaient frapper où ça faisait mal, et justement ils l'ont très bien retranscrit dans le film. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos du film. Moi je vous le conseille énormément, il passe encore en salle, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller le voir. Et on passe maintenant à ton coup de gueule, ton seul coup de gueule, Morgan, qui est Prémonition. Ouais, coup de gueule, déception, ouais, tout ça, tout ça. Prémonition, qu'est-ce que c'est? C'est un thriller. Pour raconter un peu les faits, si vous voulez, Prémonition à la base, je l'ai appris après avoir vu le film. C'était à la base un scénario qui était prévu pour être une suite à Seven. D'accord. Donc le mythique thriller de David Fincher. Et effectivement, quand on regarde le film, on se dit, il y a un peu de... Déjà, quand on voit l'affiche, il y a les intentions. Quand on voit l'affiche, etc., on pense à David Fincher, on pense à Social Network, on pense à... Voilà. Oui, voilà. Et on se dit, bon, Fincher a refusé ce scénario, il me semble. Il a bien fait. Il a bien fait, parce que... disons qu'on est en plein dans le thriller qui avance en fauteuil roulant, quoi. C'est-à-dire que on prend un monstre du cinéma, ouais. Anthony Hopkins forcément. Alors avant de voir le film, je pensais que c'était Anthony Hopkins qui allait jouer le tueur, mais en fait non, pas du tout, parce que j'avais pas vu la bande-annonce. Moi non plus, j'ai juste vu l'affiche. Je pensais aussi. Alors Anthony Hopkins joue le rôle d'un ancien agent, d'un médecin qui travaillait avec le FBI qui a un peu déserté, qui est parti à la retraite, en C'est un fait, peu voilà, le Dana suite Scully. à un deuil. Oh oui, avec des Voilà. rides et des cheveux blancs. Mais c'est un médium surtout, Ouais. c'est un médecin, mais c'est un médium, il a des D'accord. dons de voyance, voilà. Et il va venir en aide au FBI auprès de l'agent qui est joué par Jeffrey Dean Morgan et d'une autre actrice dont je ne connais pas. Pour mettre fin aux sévices d'un tueur en série interprété par Colin Farrell, qui lui aussi, manque de peau, est une personne qui a la capacité de prévoir le D'accord. futur, mais aussi de sentir certaines choses. Donc je ne vais pas vous révéler, je vais pas vous révéler ses intentions, parce que c'est bien là le seul intérêt du film, c'est de savoir pourquoi Colin Farrell se met à tuer des gens. Et quand on l'apprend, c'est d'une bêtise accablante. D'accord. Bon, l'avantage du film, c'est qu'on découvre, quand on regarde ce film, qu'on est aussi médium, parce que on arrive à deviner tout de A Ah, à Z. c'est bien On pour un sait, thriller, il va ça. mourir, on sait comment, on sait quand. Ah bah, c'est pas mal. Bah, en même temps, ça me flatte, parce que c'est un film qui met en scène des médiums, et je me dis, bah tiens, je crois que je peux prétendre. Je crois qu'après avoir ce film-là, il y a plein de gens qui vont dire, je suis médium. Non mais vraiment, c'est un film hyper prévisible en matière de réalisation, qui s'autorise des effets totalement ostentatoires, avec des effets de caméra un peu pompeux qui ne servent strictement à rien, à part d'essayer de créer des effets de style qui, à mon sens, n'apportent rien du tout. Si ce n'est des scènes d'un ridicule absolu. Les acteurs, Anthony Hopkins fait le boulot convenablement, même s'il est un peu fatigué, hein. Mais Colin Farrell, mon Dieu, qu'il est mauvais. Voilà, c'est un acteur que je peux adorer, mais alors en tueur en série comme ça, pas possible. Mais vraiment, le côté un peu christique de la chose, c'est totalement, totalement mal dirigé. La mise en scène, voilà, comme je dis, il y a des moments clinquants pour rien. C'est hyper vain, c'est prévisible, il n'y a rien qui tient, et on comprend vraiment pourquoi Fincher ou un autre d'ailleurs a refusé ce scénario. Pour moi, c'est un torchon monumental qui n'aurait jamais dû être tourné. Wow. Enfin, c'est surtout un thriller. Je pense que c'est un thriller qui aurait pu être tourné. C'est un thriller qui aurait pu être bon dans les années 90, à l'époque où Morgan Freeman, tu sais, faisait des thrillers, Le Masque de l'araignée, tout ça, ou Bonne Collector, tu sais, avec Oui, je Denzel vois. Washington. Ça, Ouais, voilà, c'est un c'est un thriller qui truc aurait pu être sympa qui est en dans les années retard, quoi. 90. Voilà, mais avec toutes les séries, avec tout, quand on voit ça, on se dit, mais c'est un film qui a Ouais, 20 ans de retard, d'accord. quoi. C'est calamiteux. Ok, J'ai d'accord. souffert. Bon, ben voilà, vous avez une grande sélection de conseils et un film à éviter. Donc voilà, pour ce mois-ci, régalez-vous. Et nous, on va passer au film du mois qui est Everest. À la rubrique du film du mois, donc ce mois-ci, on a décidé de vous parler de Everest, réalisé toujours par Balthazar Cormacour, pardon, donc qui est sorti en France le 23 septembre 2015. Donc c'était assez récent. On retrouve au casting Jason Clarke, Josh Brolin, John Hawkes, Robin Wright, Emily Watson, Michael Kelly, Keira Knightley et Sam Worthington, et aussi Jake Gyllenhaal, pour ne pas l'oublier. Bon, il y en a pas mal, mais vous allez comprendre pourquoi il y a beaucoup Un sacré d'acteurs dans ce casting, là. film. Voilà. Donc je vais d'abord rappeler le synopsis, même si c'est deux lignes, c'est pas grave. En 1996, deux expéditions sur l'Everest sont confrontées à l'une des plus violentes tempêtes de neige de l'histoire. Merci Wikipédia pour ce synopsis. Morgan va peut-être mieux vous expliquer ce qui se passe dans ce film. Je te laisse la parole. Alors, c'est des gens qui sont dans une montagne et il y a de la neige. Voilà. C'est déjà mieux que synopsis de Wikipédia. Non, bon, bah, de toute façon, le titre parle de lui-même, hein. Voilà, c'est une expédition au cœur de l'Everest, en compagnie d'une poignée de grimpeurs, avec tous ces noms prestigieux que Axel a cités. C'est un film qui m'a énormément surpris, que j'attendais énormément, mais qui me faisait extrêmement peur, dans la mesure Au vu où des la plupart des retours. personnes qui l'ont vu en avant-première, j'ai eu des retours extrêmement négatifs, j'ai entendu des termes comme film chiant, film ennuyeux, etc., film vide. Et au final, je suis pas du tout d'accord avec la majorité des critiques négatives. Au contraire, j'aurais tendance à dire que c'est une des meilleures expériences que j'ai eues au cinéma cette année. Parce que ça me propose une immersion, et le terme est voilà, j'insiste bien sur ce terme, c'est pas un film d'action, c'est un film d'immersion. Et je pense qu'il y a peut-être eu un malentendu à ce niveau-là, parce qu'avec un casting aussi prestigieux que celui-là, on peut s'attendre à l'énième blockbuster, à la Vertical Limite, voilà, Ouais, enfin voilà quoi. voilà, on pouvait s'y attendre, mais j'avoue, hein, Bah, je m'attendais vraiment à l'abandon ça. se vendait un peu ça aussi. C'est Vendait un peu ça. toujours le problème, mais en voyant les films précédents du réalisateur, on pouvait s'attendre. Enfin, moi je savais dans quoi j'allais m'embarquer en tout cas. Mais. Moi, j'avais vraiment un gros doute, et surtout le côté 3D, ça me faisait un peu penser une attraction de Foire du Trône, tu vois. Donc, je m'attendais vraiment à voir un film, voilà, très très dynamique, très rythmé. Alors, le film est rythmé, mais le film est. On rappelle juste que enfin, en tout cas chez moi, la 3D était obligatoire. Il n'y avait pas de 2D. Il n'y avait pas de Bah, séance en 2D. moi aussi, et de toute façon, la 3D, je trouve excellent. Voilà, Vraiment, donc elle est très bien ouais, utilisée. mais j'en parlerai après. Vas-y. Donc c'est comme je vous l'ai dit, c'est un film d'immersion. Donc c'est un film qui prend son temps. Effectivement, ça dure 2 heures. Mais avec un sujet pareil, je trouve qu'on ne pouvait pas faire un film dynamique, un film qui au bout de un quart d'heure allait nous exploser à la gueule avec voilà des avalanches et des morts à foison. C'est un film que je trouve au contraire très intimiste dans la façon. Dans la façon qu'il a de développer ses personnages et dans la façon qu'il a de nous faire monter au fur et à mesure, parce qu'il faut savoir que c'est un film qui est un peu découpé en plusieurs étapes. C'est limite un film découpé comme à la façon d'un jeu vidéo. C'est en fait des checkpoints. Ouais, c'est Voilà, ça. il y a un premier camp, un deuxième camp qui est plus haut, un troisième camp, puis ensuite le sommet. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est le film est un peu déroutant parce que jusqu'au sommet, il y a des difficultés, mais c'est à la redescente. Parce que je sans vous Non, non, en spoiler, fait, on spoile rien, voilà. mais on va dire que la montée se passe sans problème. Voilà, c'est la redescente. Alors voilà, sans expliquer pourquoi, le pourquoi du comment. Et c'est en ça que le film est déroutant, vu que la montée, elle est dure, la redescente l'est autant. Mais on ne pouvait pas faire un film de 2 heures avec une montée qui allait durer un quart d'heure et ensuite 1h45. Voilà, c'était pas possible. Je trouve que ça aurait donné au film un côté un peu le syndrome San Andreas, tu vois, c'est un peu le film qui est sorti avec The Rock il y a quelques mois. Là, on est vraiment dans un blockbuster qui prend son temps, qui est très intimiste, vraiment très très calme, très poseur. Et c'était impossible de faire un film hyper dynamique. Et je comprends que le film ait ennuyé beaucoup de personnes, vraiment. Oui, Mais bon. à côté, il y a une immersion qui est, je trouve, impeccable et qui est servie par une 3D, alors, qui n'est pas excellente en tout point, enfin, c'est pas non plus une réussite à 100%, mais il y a des moments où la 3D, ça marche, vraiment ça marche. Il y a un côté vertigineux dans les scènes, voilà, il y a un côté oppressant aussi, à savoir que j'avais le souffle coupé, je suffoquais devant le film, vraiment. C'est vraiment, mais c'est une ambiance glaciale, les personnages sont assez attachants, alors pas tous. C'est un peu le défaut parce que comme c'est un casting avec énormément de monde à l'affiche, le problème c'est que tous les personnages sont pas bien développés et les gros noms sont pas les personnages que j'ai préférés. C'est beaucoup les gros noms, par exemple Jason Clarke, c'est pas le personnage que j'ai préféré. Moi j'ai préféré le personnage de Doug, souviens-toi Axel, qui est pas l'acteur le plus connu du film, mais je trouve que l'histoire de ce personnage-là est extrêmement touchante. Et la façon dont le réalisateur a de mettre en scène, parce que vous verrez des personnages qui vont mourir dans ce film, mais c'est jamais des morts. Bon, ça va être un peu discutable, mais j'en dirai pas davantage. Mais c'est jamais des morts avec, vous savez, Graphique. la grosse. Voilà, c'est pas la grosse musique. Alors je dirais pas qui. Il y a une scène où il y a un personnage qui tombe en arrière-plan. Voilà, sans musique, sans rien, c'est très froid. Le personnage tombe en arrière-plan et basta. Et ben, je trouve que ça apporte, ça percute énormément. Et voilà, en termes de décor, c'est vraiment incroyable. Je sais pas comment il a dû tourner ça, mais c'est d'une Alors, beauté, mais dingue. ils ont tourné ça dans les Alpes italiennes. Donc, je me suis un peu renseigné parce que ça m'avait aussi assez impressionné. Enfin, ça m'a aussi impressionné, hein, je vais le dire clairement. Mais il y a aussi apparemment pas mal de fonds verts, ce qui est normal. Mais les grosses scènes ont été tournées dans les Alpes italiennes. D'accord. Bah, honnêtement, en termes de réalisation, c'est vraiment C'est vraiment, Donc ça a dû être un vraiment sacré défi parfait. technique hein, pour Ah monter oui, non, tout mais ça, technique. etc. Voilà. Mais. Techniquement, le film, je trouve qu'il relève, enfin, il est vraiment époustouflant. Et l'immersion est juste incroyable. Je comprends pas que le film, enfin, je comprends que le film puisse ennuyer, mais je comprends pas ce, comment il a pu être aussi boudé. Ouais, Franchement, je moi non trouve que plus, voilà. je comprends pas. Mais En on vous matière conseille de d'immersion. lire, bah, d'ailleurs, la critique de Quentin sur le site Movies.net, qui N'a n'a pas pas, raison. voilà, mais qui, enfin, qui propose un autre point de vue par rapport à Morgane et par rapport à moi-même. Je suis quand même un peu plus modéré par rapport à Morgane, mais je suis pas aussi violent que Quentin dans sa critique. Voilà. Mais je te laisse continuer. Non, c'est bon, j'ai fini, Ah, vas-y, ok, finis. d'accord. Je réponds après à vous. Donc moi j'ai trouvé la réalisation quand même beaucoup plus dynamique et innovante que dans The Deep. On a souvent de magnifiques plans de l'Everest durant lesquels on se demande comment ils ont réussi à les capturer de cette manière. Justement, je parlais qu'ils avaient tourné dans les Alpes italiennes et je me demande vraiment comment ils ont techniquement comment ça a été fait. Mais il y a aussi beaucoup de plans séquences qui sont sublimes. Personnellement, j'ai pas détecté les fonds verts, donc ça c'est vraiment bien. J'irai pas jusqu'à dire que on arrive à l'accomplissement technique d'un certain Gravity, qui a quand même plus de points communs avec ce film que ce qu'on pourrait penser. Mais les plans et effets spéciaux sont magnifiques. J'ai envie de dire heureusement, vu le cadre dans lequel le film se passe. Et donc pour moi c'était vraiment une redécouverte de la 3D pour ma part parce que j'évitais tous les films 3D depuis que j'avais vu je sais même plus quel film parce que j'étais sorti de la salle tellement j'avais mal aux yeux. C'était au tout début de la 3D donc en 2008-2009 et du coup j'avais plus jamais retenté l'expérience en 3D. Et là, c'était obligatoire, donc il fallait bien que je le voie pour le podcast. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit bon, il faut quand même mettre mes lunettes, les lunettes par-dessus mes lunettes. J'ai pas de lentilles, ça va être chiant, mais je vais le faire quand même. Et du coup, déjà, on a eu la bande-annonce de The Walk en 3D, et je me suis dit ok, c'est super impressionnant. Je vais en prendre sûrement plein la gueule. Et The Walk, d'ailleurs, j'irai le voir en 3D, c'est obligatoire parce que j'ai eu un gros vertige pendant le film, pendant qu'il traversait les deux tours. Mais ça, on en reparlera Ah, sûrement le mois ce prochain. film, ah, On ce en film. reparlera le mois prochain. Ouais. Mais voilà, donc les plans de l'Everest, etc. Les plans où on voit des échelles qui sont attachées avec de simples cordes, mais qui franchissent d'énormes ravins. Et on a vraiment l'impression d'être là. On a des grosses impressions de vertige. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui a des vertiges, mais là, c'est avec, je sais pas, avec la 3D, c'était un peu bizarre et ça donne vraiment bien. Mais par contre, moi, le seul problème que j'ai avec la 3D, c'est que parfois, ça saccade un peu au niveau des séquences de dialogue, quand c'est un peu plus calme, etc. Que c'est pas des scènes Oui, oui. d'extérieur, etc. C'est mon seul problème avec la 3D, mais sinon là c'était vraiment, j'en ai pris plein la gueule. Je pense que déjà en 2D ça devait rendre assez bien, mais là en 3D c'est assez exceptionnel. Sinon pour les acteurs, ils sont comme dans la plupart des films de ce réalisateur poussés à bout physiquement et moralement, et ça transparaît vraiment à l'écran. Je pense que ça a dû être assez dur au niveau du tournage. Le scénario c'est plus un film à expérience plus qu'un film à scénario et à intrigue. Donc on suit l'histoire avec de l'intérêt, même si parfois le tout est un peu confus. J'ai trouvé que les histoires d'équipe, etc., qui appartient à quelle équipe et qui est qui, j'ai eu un peu de mal à m'y retrouver. Parfois, surtout quand il y a un peu le bordel qui se passe, quand on appelle John, Jack ou je sais pas qui, je sais pas de qui il parle en fait. À part les groupes, les personnages principaux, comme il y a énormément d'acteurs, moi j'ai pas réussi à tout retrouver, tout. Donc j'ai pas tout compris à certains moments, mais donc il y a quand même quelques maladresses au niveau scénaristique qui auraient pu être évitées pour que le spectateur s'y retrouve plus facilement. Mais malgré tout, parfois durant le film, il y a quelques passages à blanc, que bah oui, comme tu l'as dit, qui disait qu'il s'était emmerdé durant tout le film. Moi, je me suis pas emmerdé durant tout le film, je me suis emmerdé durant quelques scènes seulement. Mais c'était pas vraiment long. C'était les scènes de dialogue ou des trucs comme ça. Mais sinon, le film en entier m'a beaucoup plu. Et ce qui sauve le film pour moi, vraiment, c'est la fin qui est très justement amenée et franchement émotionnelle. Qui m'a fait qui m'a mis la petite larme à l'œil, surtout pour la fin où Ouais. on rend hommage aux véritables personnes qui ont fait cette expédition. Sinon, pour parler rapidement de la musique, qui est très agréable à écouter, beaucoup plus présente que dans The Deep, ça fait vraiment du bien, et on a moins l'impression d'être oppressé par le film. Après, ça reste de la musique de blockbuster hollywoodien, donc c'est pas exceptionnel, ça va pas vous transcender, mais c'est quelque chose qui est agréable à écouter durant le film. Mais je trouve que la musique est bien utilisée, enfin, Oui, disons qu'elle n'est pas envahissante. ouais, Voilà. c'est ça, Elle c'est ça. pourrait, voilà. Ça pourrait être lourd, voilà. Elle sait être là quand il le faut et elle sait s'effacer Voilà. quand il Ouais. le faut. Donc ça, c'est justement bien amené. Et pour finir, je dirais que comme tout film expérience, c'est vraiment un film à vivre au cinéma. Je pense que devant votre télé ou ordi, vous allez vite décrocher et passer à autre chose, ce qui serait un peu dommage, je trouve. Voilà. Donc moi, j'ai plutôt bien aimé. J'ai mis un 7 sur 10 sur Sens Critique. Donc voilà, c'est pas le film que je retiendrai de l'année. Enfin, je m'en souviendrai, mais... c'est pas le film qui sera dans mon top 10, ça je peux vous l'assurer. Mais en tout cas, Il j'ai le passé. sera peut-être par défaut selon il au moins il le sera peut-être par défaut selon les films, parce que bon, mon top 10 a un peu du mal un petit peu en ce moment. Ouais. J'avoue que Non, donc mais là du attends, coup il est dedans, mais je sais que c'est avec ce qui va arriver, tu vas vite l'oublier, Everest. bah, je pense de toute façon qu'en matière d'immersion et tout ça, de Oui, vertige, oui. comme tu l'as dit, The Walk, à mon avis, il va je pense que Everest, ça, voilà, ça va être l'avalanche pour lui, hein. Bah, The Walk, Ouais. à mon avis, Ouais, mais moi j'ai pas pu voir Gravity en 3D, mais j'ai ressenti des mêmes émotions que Moi devant non Gravity en plus. tout cas. Voilà. Moi non plus, j'ai jamais vu Gravity en 3D, jamais. Ah bon? Ça paraît dingue. Non, non, non, non, non, non, non, je rigole, Ah, t'inquiète. d'accord. Non, parce Justement, que... là si, je l'ai vu beaucoup de fois en 3D. Oui, parce que j'allais dire, si tu l'as vu qu'en 2D, pour toutes tes séances... Je l'ai vu une fois en 2D. Je l'ai vu une D'accord. fois en 2D, et c'est vrai que, bah oui, honnêtement, la 3D de Gravity, mon petit parallèle, hein. Enfin, petite parenthèse, la 3D de Gravity, elle est indispensable, Ouais, vraiment. elle devait amener quelque chose d'assez extraordinaire. Oui. Bah, si un jour il y a des séances de nouveau, je sais pas, j'essaierai de voir. Mais voilà, donc t'as quelque chose à rajouter par rapport au film ou... Non, non, non, Ok, non, non, ce d'accord. sera très bon. Bah oui, peut-être que j'ai pas parlé des acteurs. Les Ouais, acteurs sont rapidement. très bons. Oui, Par ils contre, sont... Jake Gyllenhaal, c'est un acteur, j'ai un peu du mal avec lui ces derniers temps. Ouais. Je trouve qu'il en fait un petit peu des caisses à chaque fois. Là, ça m'a fait plaisir de le voir dans un truc. Bon, il en fait toujours un petit peu. Bon, il cabotine un peu, Ouais, mais mais ça. c'est un peu le rôle du personnage, quoi. C'est un peu celui qui Voilà, se c'est un la peu le pète, personnage qui fait celui ça. qui réussit tout. Enfin, voilà. Mais Et sur l'émotion, ça marche vraiment. oui, ça marche vraiment. Et... Les blockbusters qui jouent sur l'émotion, parfois, bon, ça joue trop sur spectaculaire et ça veut créer de l'émotion un peu factice, mais là, je trouve qu'elle est très très bien amenée. Ouais, voilà. Donc, on vous le conseille, surtout au cinéma, en tout cas. Parce que pour moi, ça perdrait son intérêt devant une télé. Mais bon. C'est que mon avis. Voilà, et on passe tout de suite à la recommandation pas très recommandable. I miss you more than Michael Bay missed the mark when he made Pearl Harbor. I miss you more than that movie missed the point. And that's an awful lot, girl. And now you've gone away. I'm trying to say is Pearl Harbor sucked and I miss you. On est donc à la dernière rubrique de ce podcast. Et là, c'est Eddie qui nous avait proposé il y a quelques mois de ça. Sortilège, donc un film de Daniel Barnes sorti aux États-Unis le 4 mars 2011 et en France le 6 juillet 2011. C'est un film fantastique, comme j'ai dit, réalisé et avec Vanessa Hudgens, Alex Pettyfer, Mary-Kate Olsen, vraiment, ah oui, d'accord, je l'avais pas reconnu, Neil Patrick Harris, Peter Cross et Lisa Gray Hamilton. Voilà, donc c'est... Je vais laisser la parole à Morgan, mais je vais juste dire que c'est... Pour moi, c'est le film le plus sympa à voir de ce qu'on a pu avoir dans cette rubrique. Et Dieu sait qu'on est allé vraiment loin dans cette rubrique. Voilà. Ouais, bah, j'étais un peu surpris parce que, honnêtement, j'ai pas trouvé ça affreux. Oui, bon, ouais. Ça va pas me laisser des souvenirs mémorables, franchement. Mais le film, je trouve qu'il y a un propos qui est pas novateur. Comme on en avait parlé en off tout à l'heure, c'est vraiment La Belle et la Bête version voilà. Moderne pour les jeunes. Version moderne. Ouais. Mais franchement, le résultat, ça marche. Alors, il y a des trucs qui vont pas forcément. Ouais. Voilà, je trouve il y a un côté un peu cucu quand même, etc. Ah oui, très. Ouais. Voilà la culture guimauve américaine qu'on connaît un peu. Mais je trouve que le film est plutôt bien joué, même si Alex Pettyfer a tendance à en faire des caisses, surtout au début, parce que au niveau de l'histoire, c'est fait exprès pour qu'on le déteste vraiment, voilà. Mais ça pousse à l'extrême. Ça pousse à l'extrême, voilà. Mais en même temps, je trouve que le film amorce une morale sur le fait que le fond n'est pas mauvais, voilà. Le fond n'est pas mauvais, et alors une personne belle n'est pas forcément une personne qui a un physique très avantagé, qui est un petit peu prétentieux, enfin qui est un peu méchant, c'est pas forcément quelqu'un qui l'est vraiment parce qu'il a un cœur, etc. Mais de la même façon qu'une personne qui a un physique un peu plus ingrat, c'est pas forcément une personne qui doit être détestée pour autant. Mais je trouve justement que bon, c'est une façon, c'est un film qui parle aux jeunes, c'est un film qui va leur donner peut-être un petit peu de quoi réfléchir. Franchement, ça mange pas de pain, quoi. J'ai pas détesté, j'ai pas non plus été transcendé, c'est pas non plus une dinguerie. Je prends un exemple, Neil Patrick Harris, j'ai trouvé le personnage très touchant, mais vraiment, notamment dans les dernières minutes du film, je pense que tu comprends pourquoi. Je trouve, et en plus, c'est tout frais, hein. Là, à l'heure où on enregistre ce podcast, je l'ai lancé à 11h30 ce matin. Moi je l'ai vu à 10h30, donc voilà. Franchement, c'est pas horrible. Donc, Eddie, pour le coup, t'as voulu nous faire passer un mauvais moment, c'est un peu raté. Je suis un peu petit. Mais on te remercie, hein, parce que t'as pas été vraiment très méchant. Donc, voilà. Morgan, par contre, je sais pas s'il va être très méchant, on va découvrir ça juste après. Donc oui, moi j'ai pas passé vraiment un mauvais moment, c'était un film que j'ai vu, que j'oublierai assez vite, je pense, mais que... où j'ai pas souffert pendant les 1h23 du film, en tout cas pas comme Spawn, pas comme Dragon Ball. Alors Spawn, t'abuses. Voilà. Spawn, c'est une faute de goût. Non, au bout d'un moment, Axel, faut être honnête. Non, mais je suis désolé, mais enfin, Dragon Ball, de toute façon, c'est le pire pour l'instant, et je sais pas si on arrivera à un niveau plus bas, mais là, on a pu quand même remonter un peu à la surface avec Sortilège, donc voilà, ça fait quand même un petit peu plaisir. Mais c'était pas le film de l'année non plus, je pense. Hein. Voilà, on a à peu près tout dit. Désolé, Eddie, si tu voulais nous faire souffrir, hein, on n'a pas vraiment souffert, mais voilà, j'espère qu'on va pas trop souffrir avec le choix de Morgan qui va nous annoncer ça directement. Je te laisse la parole. Tambour. Donc, comme toi, Axel, avec Gamer, je vais proposer un film français parce que je trouve que les représentations... Ah, l'exception culturelle française... Ah oui, attends, il faut quand même parler de nos élites. Je vais vous parler d'un film qui... on voit les notes sur Allociné, là j'ai l'affiche sous les yeux. Je vais un peu teaser le truc, là, je vais un peu faire monter la mayonnaise. Oui, mais tease, c'est justement le principe. Voilà, non, je fais monter la mayonnaise, il n'y a pas de souci. Donc c'est un film qui, au vu des critiques, est pas tout à fait apprécié. C'est réalisé par un réalisateur qui a son nom dans la comédie française. Oui, il me semble. Qui a son petit lot de comédies qui ont fait succès. Donc pour teaser un peu, c'est le réalisateur des Ripoux, de L'aile ou la cuisse, d'Inspecteur Lavabure, d'Inspecteur Lavabure, pardon, les Soudoués, Banzai. On va dans le old school. Voilà. Là. Bah non, mais c'est pour dire que voilà, il a fait des bonnes choses quand même. Et Astérix contre César, pas mauvais. Mais en 2001, ce monsieur a, donc je parle de Claude Zidi. Mais en 2001, ce monsieur a réalisé un film qui s'appelle La Boîte. Voilà. Donc. D'accord. Donc c'est un film. Alors attends, je crois déjà en avoir entendu parler, mais je sais que je l'ai jamais vu. Alors en termes de casting, ça va vous vendre du rêve. On retrouve vraiment. Voilà, les génies de la comédie française, hein, disons-le. Donc, on retrouve Guy Marchand, qui est un... Alors, j'aime beaucoup Guy Marchand de base, hein, mais bon, voilà. On retrouve Jean-Marie Bigard, attention, parce que des vannes un petit peu misogynes, homophobes, tout ça, vous allez en avoir. Et on retrouve aussi le comique, enfin l'imitateur, le pseudo-imitateur un peu plié, Gérald Dahan. qui aujourd'hui, je crois qu'il ne fait plus rien. Donc pour vous raconter un peu l'histoire, c'est un groupe de jeunes qui habitent dans une région un peu perdue dans la France, qui ont l'habitude de fréquenter des boîtes de nuit, enfin une boîte de nuit, vu qu'il n'y en a qu'une dans leur région, qui est tenue par Jean-Marie Bigard, mais Jean-Marie Bigard est un peu un escroc. C'est un peu un mec avide d'argent qui aime bien un peu escroquer ses clients. Par exemple, il monte le chauffage à fond pour que les gens consomment, etc. Ou quand une femme se présente dans son bureau pour un entretien d'embauche, elle doit lui montrer des qualités, on va dire, voilà. Bon. Donc un D'accord. jour, suite à une altercation et un jugement à cause d'un flic ripoux qui est très ami avec le propriétaire de cette boîte, les jeunes vont être interdits de boîte. Ils vont se voir être interdits de quitter cette boîte-là pendant un an. Donc du coup, bah tu comprends qu'ils vont Vont pas essayer payer d'en cette. trouver une autre. Non, ils vont en monter une. Non. Ah, ils vont monter leur Ah. propre boîte. Impossible de fréquenter les boîtes de la région, donc ils vont monter leur propre boîte. Donc c'est une bande de potes, voilà, de tout milieu, de tout caractère. Voilà, il y a le black, le rebeu et l'homosexuel. Voilà, on est vraiment dans le cliché, c'est vraiment gras. Donc voilà, les blagues homophobes. Déjà l'affiche, je vais conseiller à nos auditeurs de la chercher sur Google Voilà. pour se rendre compte de l'ambiance qu'on va subir pendant ces 1h40 de film. Alors attendez, Ça va. à ma décharge, j'aime ce film. C'est un film qui me fait marrer. Je suis mort de rire quand je regarde ce film. Mais c'est un humour très gras. D'accord, au second degré. Oh, Au premier. oui. Non, ben, ça dépend, voilà. Tu te moques du film ou tu te Non, moques, ah non, enfin non. tu ris avec le Non, film? je ris avec le film. Ça me fait marrer. Il y a des scènes, D'accord, pour moi, enfin, ok. Guy Marchand dedans, il est exceptionnel. Il me fait rire. Après, au niveau de l'humour, voilà, c'est gras, c'est un humour misogyne, un peu, voilà, humour homophobe, etc. C'est vrai que c'est politiquement incorrect, mais il y a une bonne ambiance, c'est assez frais. Les acteurs, honnêtement, voilà, les jeunes têtes d'affiche sont pas terribles, mais voilà, les gros noms, enfin, les gros noms, entre guillemets, hein, voilà, Jean-Marie Bigard, je trouve très drôle. C'est un copain que j'aime bien, donc bon, du coup, je suis pas objectif. Mais attendez-vous vraiment à des gags graveleux, façon les sous-doués. Ok. Parce que ceux qui n'aiment pas les sous-doués, qui trouvent que c'est le fond, le bas du bas de la comédie française, je pense que la boîte peut Dont je prétendre fais partie. à un Dont titre je européen. fais partie. Oh, ah bah non, mais si t'aimes pas les sous-doués, la boîte, ça va pas passer du tout. Mais en termes d'ambiance, c'est rigolo, l'idée est sympa. Moi, c'est un film que j'ai vu, alors je sais pas pourquoi, c'est mon papa qui m'a montré ça à l'âge de 10 ans. Et du coup, j'ai vraiment adoré ce film. C'est une comédie qui me fait vraiment marrer, mais je sais que, voilà, je pense que si vous la voyez là, voilà, je pense que vous allez vraiment souffrir, parce qu'en termes d'humour, c'est graveleux, c'est gras, c'est... Voilà, mais c'est... Comme Spawn, D'accord. je vous donne un film que j'aime bien, donc peut-être que ça va passer, honnêtement. Ouais, que t'aimes. Mais vraiment, Ben, vous connaissant, je pense que vous allez kiffer. je sais pas. Je sais vraiment pas. Là, comme tu décris le film, le synopsis, les acteurs, ça me tente pas vraiment. C'est pas quelque chose que je vais regarder pour me faire plaisir, en tout cas. Bah, Mais disons bon, que bah voilà. je préfère vous le vendre comme un très mauvais film, parce que voilà, ça vous en serez surpris. Je préfère pas vous dire que franchement, c'est une bonne comédie, mais vraiment, c'est pas un plaisir coupable, c'est une comédie que je trouve drôle. Il y a vraiment des scènes absolument à D'accord. mourir de rire. Guy Marchand, toutes les scènes avec Guy Marchand, pour moi, sont d'anthologie, parce que je les trouve vraiment, enfin, lui, il le joue vraiment très bien. Maintenant, je préfère pas vous dire que c'est une comédie excellente, etc. Je préfère vous dire que c'est un plaisir coupable, alors que voilà, je suis pas honnête avec moi-même. C'est un film, voilà, que je trouvais rigolo, et voilà, bien, bien amusant. Gérald Dahan qui s'appelle Monsieur Propre dans le film. Oui, enfin, si tu veux, les personnages s'appellent un peu par des petits noms. Et D'accord. voilà, Bah, en c'est termes bien d'humour, ça. plus au plus grand, il y a Jean-Marie Bigard au casting, donc il fait du Jean-Marie Bigard, voilà. Donc attendez-vous à peut-être à des répliques qui vont vous faire un peu saigner des oreilles, mais il y a de la bonne musique, voilà. Il y a aussi de la bonne musique. La Non, bonne musique. la BO est très bien. D'accord. Il y a une musique phare dans le Ok. film que je trouve vraiment bien. C'est la musique qu'on entend dans le générique du début, dans le générique de fin. Mais il y a vraiment des moments vraiment marrants. Voilà, c'est un film de potes, quoi. Donc faut le voir comme tel. Est-ce que c'est du genre de disco? Ah non, ah non, non, non, Disco pour le coup c'était Non? chiant, c'était... Non, mais franchement voilà, c'est recommandation pas très recommandable, mais c'est un film que j'aime, Oui, c'est vraiment un mais film qui... Tu peux d'accord. lui trouver des Ouais, qualités, mais vraiment, tu peux. ok, Mais je d'accord. prends un risque. Bah, Je prends un risque. non, mais c'est tu verras bien ce qu'on en pense, ce qu'on en aura pensé le mois prochain. Et puis, vous auditeurs, si vous l'avez vu, si vous l'avez déjà vu, souhaitez-nous bon courage ou dites-nous ce que vous avez pensé du film. Et puis, si vous l'infligez pour le mois prochain, n'hésitez pas à nous dire ça aussi. Ça nous fera plaisir de savoir qu'on est supporté. Et donc, voilà, donc le mois prochain, on aura dans la recommandation pas très recommandable la boîte proposée par Morgane. Et moi, je proposerai un film. Pour l'instant, j'ai aucune idée de ce que je vais vous proposer, mais je vais bien vous trouver un truc. On verra mon humeur par rapport à la boîte. Voilà. Non, mais ça Je peux peut être passer sympa ou honnêtement. pas? Ça... Non, ça peut passer. D'accord, ok. Ok. Bon, voilà, on a fini avec la recommandation pas très recommandable et on se retrouve pour la fin. Fin de ce podcast Movie Nerd numéro 19. J'espère que vous avez apprécié votre écoute. Merci Morgane d'avoir participé à ce podcast en tant que co-hôte. C'est toujours un plaisir de t'avoir à mes côtés pour présenter ce Ça podcast. m'avait manqué. Oui, oui, moi aussi, Voilà. Bon, moi, ça et faisait c'est pour ça que je longtemps. suis pas très en forme. Donc désolé, désolé d'avance. J'ai peut-être été un peu hésitant. J'ai bafouillé un petit peu effectivement. Oh, mais je Bon, crois j'ai eu qu'on a voilà, j'ai tous eu les des deux contretemps. été hésitants parce que voilà, ça faisait Bon, déjà un petit moment et puis ça faisait un moment et j'ai, voilà. comment dire, j'ai eu du mal à préparer un peu le truc vu que j'ai eu des occupations récemment. Vous inquiétez pas, je reviendrai en grande forme. Surtout en octobre avec le programme, il y aura Oui, zéro faute. Mais vraiment. on va vous préparer un Voilà. super programme en octobre, donc n'hésitez pas à rester connecté sur les réseaux sociaux. Donc c'est Movies underscore Nerd pour at Movies underscore Nerd pour Twitter. Ensuite sur Facebook et sur Google+, c'est Movies Nerd. Tout seul, attaché. Vous retrouverez tous les critiques et les podcasts sur moviesnerd.net, donc notre site référence où vous trouvez tous les podcasts, toutes les critiques, etc. Vous pouvez aussi retrouver ces podcasts sur PodCloud et sur SoundCloud, ainsi que sur iTunes, où vous pouvez nous laisser des commentaires et nous recommander. Comme ça, vous nous faites connaître à plus de monde et on est plus dans la communauté moviesnerd, ce qui nous fera plaisir. Ensuite, vous pouvez aussi laisser des commentaires sur le site directement pour nous faire savoir ce que vous avez aimé dans ce podcast, ce que vous n'avez pas aimé. Si vous avez vu les films dont on a parlé, si vous avez le même avis que nous, n'hésitez pas à le faire. On prend toujours plaisir à lire vos retours et on y répond toujours avec plaisir. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai complètement oublié. Vous pouvez nous retrouver, nous, enfin Morgane, déjà, je vais te laisser la parole pour te retrouver sur Internet. Sur les nouveaux sites. Eh bien, on peut me retrouver sur Twitter, @CinéMorgan, comme d'habitude. Ça ne change pas. Et sur votre caster, Cinémaniac. Voilà. Ok, d'accord. Et moi, c'est sur Twitter, c'est TheLexal, THELEXAL. Et c'est pareil sur Sens Critique, voilà. Vous retrouvez de toute façon tous les liens dans les notes de l'émission, sur le site et sur les différents sites dont je vous ai parlé juste avant. Merci encore de votre écoute, on se retrouve le mois prochain, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Et voilà, passez un bon mois, salut! Salut!